Conte de fées en français. Le château sous la mer. Il était une fois une petite île de marins et de pêcheurs, gouvernée par le roi Mandrin. Les gens de ce royaume étaient sûrement les gens les plus heureux du monde. Sauf un homme qui était vilain. Le bateau, ce n'est pas possible! C'est le prince dans le château sous la mer. Qu'a-t-il à gagner à nous embêter comme ça? Vite! Rame jusqu'au bord! Vite! On dirait que mes filets ont attrapé un poisson vraiment énorme! Qu'est-ce que c'est? Sauvez-vous! C'est encore un des monstres du prince diabolique de l'eau! Ces dernières semaines, le prince de l'eau a attaqué nos bateaux 5 fois, Votre Altesse. Votre Altesse, toutes nos tentatives pour le trouver et le combattre ont échoué. Ne t'inquiète pas, papa. Je vais le trouver et me battre. Je vais lire tous les livres possibles sur ses pouvoirs magiques et quand je serai grand, je vous vengerai de tout ce qu'il a fait subir à notre peuple. Le petit prince était si déterminé à combattre et mettre en échec le vilain prince de l'eau que le prince de l'eau se mit à en avoir peur. Quelques jours plus tard, le petit prince sortit faire une balade en mer. C'est alors que le prince de l'eau créa un tel tourbillon dans l'eau que le bateau du petit prince coula. Tandis qu'il avait laissé tous les autres petits garçons nager pour refaire surface, il s'accrocha très fort au petit prince et le tira au fond jusque dans son palais. Tout le monde fut horrifié d'apprendre que leur petit prince avait été kidnappé. Tout le monde ressentit du désespoir. Maintenant, ça va toujours se passer comme ça? On va devoir souffrir, non pas à cause de nos propres fautes, mais à cause du prince de l'eau. On ne lui a jamais fait de mal. Tout ce qu'on veut, c'est vivre en paix sur notre si belle île. Pourquoi ça lui fait si plaisir au prince de l'eau de nous faire du mal? C'est parce qu'il a peur. Il pensait vraiment qu'une fois grand, le petit prince le battrait pour de bon. Ce qui veut dire qu'il y a donc vraiment un moyen de battre le prince de l'eau, tonton. Comment arrives-tu à toujours être aussi positive, Merlina? Qui va donc trouver un moyen de battre le prince de l'eau? J'aimerais que ce soit moi, mais ne t'inquiète pas, tonton. La nature trouve toujours un moyen d'aider ceux qui n'ont jamais fait de mal à personne. Et puis tu sais, même le prince de l'eau n'est pas si diabolique que ça. Comment peux-tu dire ça, Merlina, après tout ce qu'il a fait, enfin? Eh bien, tout ce qu'il a fait, c'est retourner nos bateaux et nous faire peur avec ses monstres, c'est tout. Mais il ne nous a jamais fait de mal à proprement parler. Je veux dire, nous, les gens de l'île, on a l'habitude de l'eau et on peut rester dans l'eau pendant des heures comme les poissons, vous savez. Tout ce que fait le prince, ça nous fait peur ou ça nous inquiète. Mais ça ne nous fait pas réellement du mal, ni ne nous blesse, vous savez. Croyez-moi, je suis sûre que le petit prince est en sécurité avec lui. Pense que le prince de l'eau souffre seulement de solitude. J'aimerais le trouver pour aller lui parler. Je suis sûre qu'il est gentil. Seule Merlina arrive à voir les bons côtés du prince diabolique de l'eau. Vraiment, ton sens de la compassion est incomparable. Le chef, qui était l'homme sage du royaume, s'était enfermé dans sa grotte. Il s'était lancé dans la lecture de tous les textes et livres de magie pour trouver un moyen de battre le prince de l'eau. Il finit par trouver la réponse. Il sortit de sa grotte et, sans dire un mot à personne, il se dirigea vers là où vivait Merlina. Le chef des sages arriva chez Merlina. Son père, le marin Rivan, était là. Rivan fut choqué de voir le chef des sages en personne à sa porte. Le chef des sages lui-même? Entrez donc, monsieur. Eh bien, que puis-je faire pour vous, monsieur? Je viens vous parler de votre fille, Merlina. J'ai besoin d'elle pour aller sauver notre prince. Mais enfin, monsieur, ce n'est encore qu'une petite fille. Comment pourrait-elle bien trouver le palais du prince de l'eau alors que même l'armée du roi n'a pas pu le retrouver? J'ai étudié pendant très très longtemps les légendes du prince de l'eau. Le prince vit dans un monde de peur et de méchanceté. Et nous avons besoin d'une personne comme votre fille pour le combattre. Je ne comprends pas. Permettez-moi de vous poser trois petites questions concernant votre fille. La première, est-ce que Merlina a déjà fait du mal à une créature? Jamais. Je ne pense pas qu'il existe un seul homme, femme, enfant, plante ou animal qui pourrait dire que Merlina lui a fait du mal. En fait, elle pense que même le prince de l'eau n'est pas méchant, mais qu'il a seulement peur et qu'il se sent seul. Excellent! Question numéro 2. Merlina croit-elle dans le pouvoir de la bonté et de l'espoir? Oh que oui! En fait, elle dit toujours que la nature aide toujours ceux qui ne font pas de mal aux autres. En fait, elle est certaine qu'il y a un moyen de récupérer notre petit prince. Parfait! Et question numéro 3. Avez-vous déjà vu Merlina avoir peur? Je ne pense pas. Parce qu'elle a confiance dans la nature et les gens. Donc, elle n'a jamais peur de rien. D'ailleurs, elle dit toujours la vérité. Donc, il n'y a rien dont elle pourrait avoir peur. Appelez-la. Très, très bien. Merlina, Merlina, viens ici, mon enfant. Oui, papa. Oh, bonjour, monsieur. Bonjour, Merlina. Voudrais-tu aller sauver notre petit prince? Monsieur, ce serait un grand honneur. Mais Merlina, le prince de l'eau est sous la mer. Si le prince de l'eau avait vraiment voulu nous faire du mal, il l'aurait déjà fait et de manière bien plus dévastatrice encore. Je crois vraiment qu'il est seulement seul et apeuré. D'ailleurs, de quoi peut-il avoir peur? Je connais la mer et ceux qui y vivent sont mes amis. Oh! Alors tout est arrangé! Tu es en charge de nous ramener notre petit prince! D'accord, monsieur, mais comment? Ça, je n'en sais rien. Mais une fois que tu seras dans l'eau, ta compassion, ta bonté et ton absence de peur te guideront jusqu'à lui. Ainsi, le lendemain, le royaume tout entier se rendit sur la plage pour regarder Merlina plonger sans peur dans la mer pour aller trouver le petit prince. Très vite, elle atteignit le palais du prince de l'eau. La première porte du palais était faite de pierre et était gardée par deux géants. Ils virent Merlina et la firent s'arrêter. Qui es-tu? Et que fais-tu ici? Je suis Merlina et je viens du royaume de l'île juste au-dessus. Je suis venue ici pour sauver notre prince. Merlina ne disait rien d'autre que la vérité. Mais les géants ne pouvaient pas croire que le prince du Nil puisse juste envoyer une petite fille pour sauver son fils si précieux. Ils ne pouvaient pas non plus croire que si les armées du roi de cette île avaient échoué, une petite fille pourrait faire du mal au prince de l'eau. Alors ils rirent encore et la laissèrent passer. La porte suivante était une énorme bulle d'eau. Merlina pouvait maintenant apercevoir le palais à travers. Le palais était comme fait de bulles d'eau. C'est juste que les bulles avaient la forme de longs murs, de tours hautes et de grands piliers, protégés par la porte en bulle. Dès que Merlina la toucha, la bulle l'avala. N'importe qui aurait été effrayé d'être ainsi piégé dans la bulle. Mais Merlina ne sembla pas plus gênée que ça. L'eau et ses bulles sont fabriquées par la nature. Et la nature aide toujours ceux qui ne font jamais de mal à personne. Dès que Merlina eut fini de dire ces mots avec force et conviction dans son cœur, la bulle qui l'entourait éclata ainsi que l'ensemble du palais qui se mit à imploser. Le prince de l'eau fut terrifié de voir imploser toutes les tours et tous les piliers de son palais. Merlina nagea jusqu'à lui. le prince de l'eau voulut s'enfuir. Il n'avait jamais pensé que son palais magique pourrait être un jour détruit, et encore moins par une petite fille qui avait suggéré les géants. Mais avant qu'il ne s'enfuit, Merlina l'interpella gentiment. Prince de l'eau, s'il te plaît, ne t'enfuis pas. On peut être amis, tu sais. Amis? Mais n'as-tu pas peur de moi? Là, tout de suite, je pense que tu as peur de moi. Mais je sais que toi, tu n'es pas mauvais. Si tu voulais vraiment le mal, tu aurais blessé notre prince, n'est-ce pas? Tu penses que je ne suis pas mauvais, même après avoir causé du souci à ton peuple? Je pense que c'est juste que tu te sens seul, pas vrai? Tu veux juste avoir des amis. Mais qui pourrait être ami avec moi? Tout le monde pense que je suis le diable. Ah, viens avec moi. Viens voir comme le monde est beau au-dessus. Personne ne te fera de mal sur notre île, je te le promets. Personne n'avait jamais essayé de comprendre la raison de mon comportement. Tu es la première personne à me tendre la main et à faire preuve de gentillesse envers moi. Tu vois, si quelqu'un te cherche des problèmes, il y a de grandes chances que cette personne se sente seule et ne sache pas comment devenir ton ami. Il faut essayer d'aller vers lui ou vers elle, comme Merlina l'a fait en allant vers le prince de l'eau. Et de la même façon que Merlina a gardé la foi en Mère Nature, qui aide toujours les personnes qui ne font jamais de mal aux autres et qui a fait d'elle une petite fille sans peur, garde en tête que si tu es une bonne personne, les bonnes choses finiront par t'arriver à toi aussi. Essaye de comprendre pourquoi une personne se comporte d'une certaine façon plutôt que de la détester ou d'en avoir peur. Le monde a besoin de gens qui peuvent comprendre plutôt que juger et se battre.